toute l'humanité sache que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et malheur à ceux-là qui ne sont pas dans le camp de Jésus. Car c'est ça qui va leur arriver. Ils seront tourmentés nuit et jour. Ils plieront sous le poids de leur fardeau, de leurs soucis. Je te loue.